Journal d'un sous-officier. Livre audio gratuit, un roman de Amédée Delorme. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commons.